antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Je veux d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre de fils comme Luca Toni ou bien Jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test, mais je connais pas la rue. Ma force de vous écouter au PJ plaquette la coupe. Et je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenir. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit. Je ferai moins d'efforts, j'irai dessiner, faire du ciné, ça me fascine. Avant de signer, ce qui est décidé, c'est que j'essaierai de les saigner avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. On s'habitue trop vite, je ferai toujours partie de ceux qui auraient voulu faire ci, auraient voulu faire ça. Je suis jamais content. Je vais essayer cette vie, je vais essayer celle-là, et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je vais essayer cette vie, je vais essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit. Sur Radio Francel, 17h14, on est heureux de vous retrouver, on est en direct, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Alexandre qui vient d'arriver dans les studios, et ouais, vous avez pas loupé ça, hein. Ça va être du très très lourd tout à l'heure en direct. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. La météo pour demain, oh là, c'est pas terrible, mais alors pas terrible du tout. Hein. On vous en parle en live. La météo. La météo pour demain, ben malheureusement le ciel est encore nuageux, couvert hein, au lieu du jour. Le ciel est très menaçant, très nuageux. Les températures 12 degrés, on va pas dépasser les 19 avec des possibilités de pluie malheureusement. Et ouais, de la pluie encore et toujours. Mais bon, on va s'arranger avec du son Caliente qui va vous rappeler les souvenirs de vacances, c'est l'amour, la version 2020, version à l'arc-en-ciel. Just Martial, sympa ce petit remix, l'amour à la plage. Ça va faire rappeler quelques bons vous souvenirs de vacances. Bah ouais, c'est comme ça. Avec Francky, ouais. Aujourd'hui, de 17h à 19h, sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. En direct à la radio, puis dans moins de 10 minutes, il arrive Alexandre Lebaille dans les studios de la radio. São 7 horas, estou atrasado Pra ganhar notas, estou desesperado Eu sempre ouvi dizer Não há nada sem trabalho à demora Nunca eu sacado, chegou a hora Já estou cansado, eu vou agradecer A bebida que me faz tanto esquecer A loucura do meu mundo que eu nasci ver Gosto do fim de semana Já chegou a hora Vamos lá dançar Hoje é festa, ninguém chora Vamos namorar Eu só quero alegria Igualdade, fantasia Quero força, energia Deixa andar a magia Vou-te dizer quem eu sou Lusitano, cheio de amor Orgulhoso eu vou Um conquistador ser Vou-te dizer onde eu vou Trabalho a demora, nunca se acaba Chegou a hora, já estou cansado Eu vou agradecer A bebida que me faz tanto esquecer A loucura do meu mundo que eu nasci ver Gosto do fim de semana Vou-te dizer quem eu sou Um gitano cheio de amor Orgulhoso eu vou Um conquistador ser C'est un habitué des lieux, hein. Marquito qui sera bientôt notre invité en direct avec O Lusitano au Portugal. Et il n'est pas portugais, mais il est dans les studios de la radio. Ça me fait plaisir de le recevoir dans moins de 4 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Vous allez découvrir son live et puis on va connaître aussi un petit peu sa vie. Juste avant, un autre ténor de la musique, Barry White, et avec Your Frozenless My Everything. Et puis Alexandre qui est prêt dans les starting blocks dans moins de 3 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Eugène Carter, c'est son vrai nom, il nous a quittés en 2003, il avait 58 ans. Quel monsieur! Et un autre monsieur qui arrive en direct sur la radio 17h27 sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est bien parce que quand t'es animateur radio, il faut être cascadeur aussi en même temps. Et c'est un beau métier, qui est aussi en mode Covid. Salut Alexandre, le bail. Le bail ou le bail, comme on dit? Alexandre Lebaille, mais on peut dire nom de scène, Alex LB. Bonjour Francky, LB, bonjour à tous. Salut Alex LB, welcome to Radio Station in the States of America. J'adore les je regarde souvent, tu sais, les animateurs américains. Des fois, ils sont cinglés, ils sont debout avec les micros. Ah, c'est du show, hein. Ah, c'est des showman, les mecs, hein. Franchement, je leur félicite. Alexandre, on est heureux de te retrouver sur Radio Arc-en-Ciel. Félicitations, pour ce que tu fais. Je te suis un petit peu de près ou de loin, mais je te suis de temps en temps. Alors, Alexandre Lebaille, explique-nous un petit peu la chanson. C'est venu comment, la musique? Alors, la musique, depuis tout petit, puisque j'ai commencé la guitare assez jeune, vers une dizaine d'années. Mmh. J'ai fait de la batterie aussi, un petit peu de piano. Bien. Le chant est venu, lui, plus tard, fin d'adolescence, 17, 18 ans, où j'ai fait quelques concours, Radio Crochet d'Orléans, j'ai fini troisième, j'ai gagné pas mal de concours de chant, etc. Et puis, on avait un groupe il y a une dizaine d'années, avec le groupe complet, donc le bassiste, le batteur, un deuxième guitariste, et moi je faisais guitare-chant. Et puis la vie a fait que chacun a pris son petit chemin entre les enfants, le travail, la mutation, etc. Donc on a arrêté de jouer. Et puis là pendant le confinement, je me suis remis à jouer. J'ai créé une chanson sur le confinement pour remercier un petit peu les soignants, etc. Puis soutenir un peu tout le monde. Et la chanson a très vite pris parce qu'elle a pris 30 000 vues en quelques jours sur les réseaux sociaux. Bravo. Et donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, c'est le moment de faire une reconversion professionnelle à bientôt 35 ans. 35 ans, ouais, ça va, c'est la retraite des footballeurs. Exactement. et puis du coup de faire les chansons et maintenant j'ai donc entre 18 et 20 chansons qui sont faites. J'ai un premier EP qui sortira le 19 décembre. On a hâte. Et tous les 6 mois, un autre EP. Pendant un an et demi, deux ans, quoi. Ouais, quand tu écris, tu écris pour qui, pourquoi, comment devient justement l'idée d'écrire une chanson, par rapport à quoi? Alors, c'est vraiment aléatoire, hein, peut venir. Demain, t'as un coup de blues, tu dis, tiens, je vais écrire une chanson. Voilà, par exemple. Ça peut arriver, ça. Et puis mes chansons sont en fait sur. à la fois sur mon vécu, mais aussi sur ce que j'ai pu voir de mon entourage, des gens avec qui j'ai pu parler, leurs expériences à eux aussi, etc. Donc, ouais. Comment tu vois l'avenir, toi, avec le Covid, malheureusement, beaucoup de galères en ce moment pour beaucoup de métiers, notamment la culture qui est en danger, hein, que ce soit l'événementiel, etc. On est vraiment tous en danger. Ça fait peur pour toi, l'avenir, tu le vois comment, plus lointain? Ça fait peur, je dirais oui et non. Alors, pour pas rentrer dans de la politique, parce que c'est bien pas sûr, du tout ouais, le but. Ouais, je suis pas, on n'est pas politique. Ça fait peur dans le sens où les décisions de l'État peuvent faire peur. Mmh. Mais après, là où je pense qu'on a un vrai travail à faire, parce que même si on se le dit, on se le montre pas assez, et je pense que on a besoin de cette solidarité en France. C'est ça. Et on a besoin de montrer que, au-delà de le dire, on est aussi là pour les autres. Donc que ce soit pour tout, hein, pour tout ce qui est discothèques, etc., qui sont fermés, que ce soit pour les artistes qui peuvent plus faire de concerts, de dire on vous soutient, c'est bien, mais par contre, allez ne serait-ce que liker sur les pages d'artistes, aller acheter un EP ou quoi que ce soit sur internet, et mine de rien, à défaut de concert, ça aide les gens à exister et puis à continuer, parce que quand on n'entend plus quelqu'un pendant 6 mois, 1 an, et après pour revenir, c'est vraiment dur. Compliqué. Ouais. Bah justement, c'est les réseaux sociaux sont aussi là pour dire qu'on existe, hein, faire des petites choses, des petits lives ou des choses comme ça, permettre aux gens d'exister, aux musiciens d'exister toujours. Exactement. Après, je parle pas des grands musiciens qui eux, bon. Notoriété, mais les petits musiciens qui font pas beaucoup de concerts ou peu de dates, malheureusement, leur seul soutien, c'est un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, non? C'est ça. Ouais, comme toi. Mmh. Exactement. Tu étais de la région, hein, c'est ça? Tu es de quelle ville? Oui, donc j'habite à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Ah, Saint-Hilaire. Voilà, mais j'ai fait un peu toute la région parce que je suis arrivé à Orléans, ensuite Saint-Denis-en-Val, Saint-Privé. Charlemagne, non? Pas encore. Eh bien, si tu veux bien, on va écouter un premier extrait, si vous voulez bien, en direct sur la console des 731. Alors attention, c'est du live, hein. On a rien préparé. Exactement. Voilà, c'est vraiment le live guitare chant acoustique. C'est ça. Tu me dis quand tu es prêt et puis moi je te branche la guitare, le micro de la guitare et puis on peut y aller. Vas-y. Pas de souci. Donc je suis prêt. Je vais vous jouer la chanson du Covid-19. Ok. On t'écoute Alexandre. En direct sur Un Arc-en-Ciel. C'est parti mon ami. Mais on n'a pas réalisé. Maintenant tous soudés, on a dû être confinés. Attestation de sortie, le quotidien d'une nouvelle vie. Mais quand ça sera fini, on n'en sortira que plus unis. Merci à nos soignants, mais aussi à tous les gens qui, malgré le confinement, restent forts et très patients. À Saint-Hilaire, on veut vous dire que c'est ensemble qu'on affrontera le pire. Covid-19, nous t'éliminerons, car ensemble, restons à la maison. Restez à la maison, devoir, repas et confusion, mais ne nous relâchons pas, et au contraire, profitons. La terre nous donne un message que la pollution fait des ravages, et la vie nous donne aussi que c'est à plusieurs qu'on réussit. Merci à nos soignants, mais aussi à tous les gens qui, malgré le confinement, restent forts est très patient. Merci Radio Arc-en-Ciel, mais aussi à tous les gens qui, malgré le confinement, restent forts et très patients. À Orléans, on veut vous dire que c'est ensemble qu'on affrontera le pire. Covid-19, nous t'éliminerons, car ensemble, restons à la maison. Covid-19, nous t'éliminerons, car ensemble, restons à la maison. Bravo, on peut l'applaudir. Oh, quel su- hey, bah, je reçois des messengers en même temps. Jennifer me dit, putain, la voix de ouf. C'est ce qu'elle me dit. Hey, bravo, le confinement, donc rester à la maison. Cette idée, donc, bah, pendant le confinement, tu l'as écrite. Oui, c'est ça. Ouais. Tu quoi, tu t'embêtais, tu t'es dit, faut que je fasse quelque chose, faut que j'aide les gens à ma manière. Bah, c'est les amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas un peu comme tout le monde, puisque partout en France, ouais. Les musiciens sont mis c'est à vrai. Jouer depuis les fenêtres, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, Orléans, on ferait une chanson aussi sur le confinement et montrer qu'on est. Existe, bah toujours, hein, c'est bien en plus. Et les paroles te sont venues comment? Comment on écrit les paroles par rapport aux soignants, par rapport à tout ça? Tu prends sont, un stylo? Elles sont venues toutes comme seules. Ça. Et, ouais, voilà. Comment t'écris? Tu prends un stylo et tu écris ou alors non, c'est dans ta tête? Non, bah je prends un stylo, j'écris quasiment d'une traite. Je reviens, ah ouais, comme ouais, ça. Je, ouais. Reviens, je reviens plus dessus après. Ouais. Et une fois que j'ai écrit, c'est pas en même temps que j'écris, j'ai la musique qui est dans ta tête, qui est là en même temps. Donc une fois que j'ai fini d'écrire, je prends la guitare et puis voilà, c'est lancé. Tu as des retours des soignants par exemple qui ont entendu la chanson, qui ont dit ah merci, ça fait plaisir. Oui, oui, pas mal de retours, surtout dans la région, les hôpitaux de Tours, d'Orléans, etc. Donc donc voilà, ça fait vraiment plaisir et puis bah surtout pour eux montrer qu'ils existent quoi. Tu l'as mis en ligne le titre là? Oui, il est en ligne sur la page Facebook. Non, par contre celui-là il fera pas partie de ni de l'EP album ou quoi que ce soit. Je voulais pas commercialiser sur entre guillemets le malheur ouais, des autres. Ouais, bien sûr, ouais. Donc c'est vraiment une chanson cadeau, au plaisir. Ça, ouais. Ouais, c'est un petit cadeau. On va s'écouter une deuxième si tu veux. Moi je te sens bien parti là, je sais pas pourquoi. En plus ça va la guitare, tout est bien réglé, le son super. Moi j'ai un bon retour casque. Et bien on y va. La deuxième s'appelle comment alors? La deuxième, donc c'est mon premier titre qui est sorti le 4 septembre sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, etc., etc. Et dont le clip est également sur la page Facebook, sur YouTube, un peu partout. Le clip a été tourné à Orléans. Ah, bien. Avec un ado qui s'appelle Tristan et à qui je passe le bonjour d'ailleurs et je remercie, je le remercie lui et ses parents pour la disponibilité pour pouvoir filmer. Et puis aussi mon petit garçon qui est à côté. Ah, il est là-bas. Alors on va dire que tu es venu en famille. Aujourd'hui, hein, oui, c'est ça. Avec ton ami et puis ton petit garçon. Voilà. Donc Baptiste qui est dans le clip aussi, qui était super fier de. Il est fier, Baptiste. De jouer. Il est là. Non ah Baptiste, il est sur le portable. Bah, c'est, là, c'est les gars. Et ouais, il doit être fier de son papa alors. Hein, aujourd'hui. Ouais, je pense. Hein. Ouais, il est fier. On écoute. Il s'appelle comment le titre? Donc ça s'appelle La Vie. Et ben on écoute La Vie en direct sur la console Alexandre de Baille. J'avais un rêve, jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève après m'être effondré. La vie est dure, mais ce qui est sûr, c'est qu'on grandit. J'avais espoir, la vie m'a oublié, je voulais te revoir sans jamais arrêter la vie est dure, mais sache, petit, ce qui est sûr, c'est on redescend. Adieu le paradis, la vie est dure, mais sache, petit, ce acteur, quel chanteur, parce que moi je dis acteur parce qu'en plus il y a les gestuels, il y a tout, bravo Alexandre, en tout cas je t'applaudis. Merci. On ressent un peu d'émotion dans cette chanson, Alex, hein, quand oui, même. Bah, oui, la oui. vie est dure, la vie est dure, oublié, il y a beaucoup de choses comme ça, t'as souffert un petit peu dans ta vie, oui. Ouais, c'est pour oui, ça oui, j'ai une adolescence un peu compliquée, mais ouais. Bon après c'est la phrase bateau, puisque je pense que tout le monde peut dire ouais. J'ai une vie, etc., compliquée, donc voilà, et le message de cette chanson, mm-hmm. Elle peut s'adresser en fait à tout. J'ai voulu partir de l'expérience depuis tout petit jusqu'à adulte. Hein. Jusqu'à adulte, ouais. Et puis d'expliquer que, et ben voilà, peu importe les, on voit toujours les problèmes derrière. Ouais, nous. C'est ça. Et sur 100 belles choses, on va retenir deux critiques. Deux. Et pas les 98 personnes. C'est qui vrai. Vont dire, c'est super. C'est vrai. C'est chouette. C'est vrai. Et donc voilà, le but c'est ça, c'est d'essayer de toujours voir ce qui est bien, de prendre ce qui est mauvais aussi, parce que ça permet de se construire. Eh ouais. Mais de garder prendre en tête le bien, ce qui est bien, le mauvais. Ouais. C'est vrai. En tout cas, je te sens motivé pour la suite. Je te sens vaillant là quand même quand j'écoute ce que tu écris là, ça m'a donné chaud au cœur. Ouais, j'écoutais avec passion, c'est ce que me dit aussi Estelle, qui me dit superbe voix, et la vie est dure de temps en temps aussi, c'est vrai, et ça fait plaisir d'entendre des artistes comme ça qui le disent haut et fort. Ouais, des fois on n'ose pas le dire. Alors est-ce que dans la vie, toi, tu parles justement de ta vie qui était dure, ou alors, justement tu passes par la chanson pour t'exprimer aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile, la chanson? Alors j'ai un tatouage où c'est écrit en anglais. Ah, moi j'ai un tatouage, je m'appelle Gaëlle, hein, c'est ma femme. Ah, ouais, salut au passage. J'ai des tatouages un peu partout, parce que ouais. Sur le bras, le dos, partout. Ah ouais. Et j'ai un tatouage qui est écrit en anglais, mais la traduction dit que si je ne peux pas expliquer quelque chose, je vais le faire en musique, et donc justement avec une chanson. Donc voilà, c'est un peu mon tempérament, où je suis quelqu'un de très sociable, très avenant, j'adore discuter, etc. Ouais. Mais je suis plus à l'écoute qu'à me confier moi-même. Et du coup, je pense que je me confie plus sur mes chansons et de ce que voilà, de ce que j'ai vécu, etc. C'est important aujourd'hui que tout ce qui se passe d'être avenant, d'être social, parce que beaucoup ne veulent plus parler malheureusement, et beaucoup ne parlent presque plus. C'est vrai. C'est ça. C'est rare, même. Ça devient même rare. Je trouve. Oui. Ouais. Comment tu vois l'avenir? Il y a des projets pour toi qui vont arriver là prochainement. Donc, on en parlait justement en antenne. Ouais. C'est ça. Oui. Il y a l'EP donc qui va sortir le 19 décembre. Ouais. Et suite à la sortie de l'EP, je vais partir, ou du moins essayer de partir sur un road trip qui va durer un an et demi. Ah ouais. Où du coup je suis en partenariat avec une radio nationale. Bien. Et donc je vais faire un road trip, mais au plus près des gens. Donc c'est-à-dire je vais me déplacer dans les rues d'une trentaine de villes. Ah, carrément. Une trentaine de dates. C'est bien ça. Donc ce sera que des concerts entièrement gratuits, un petit peu comme on voit les gens dans le métro avec leur enceinte amplifiée et tout ça. Donc sans électricité, sans rien. Sans rien. J'aurais, c'est bon pour la planète. Voilà, ma guitare et ma voix et quand c'est même une bonne petite idée. Enceinte sur le côté. Ouais. Et donc le but, ça va être de vendre mon EP. Et il y aura 3€ de reversés sur chaque EP à super. L'école de Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Ouais. Mais si jamais ça prend beaucoup d'ampleur, ce sera reversé à d'autres écoles dans la région. Et donc, ce sera en fait pour apporter des kits de musique, donc kits de percussion, éveil musical, ah, etc. Ouais. Mmh. Des plus petits jusqu'à la fin de la primaire. Pour pouvoir apporter de la musique, parce que je pense qu'on vit dans un monde où on a besoin de musique, peu importe le style, peu importe les origines, etc. On a besoin de s'identifier à la musique, de penser à la musique. Si on est triste, on écoute une musique triste. Si on est fâché, on va écouter une musique qui bouge. Voilà, je pense qu'on a besoin de ça et de ses émotions. Ouais. Donc c'est important dès le plus jeune âge de les emmener. Là-dedans. Quoi. Sur le road trip, justement, on connaît un peu le parcours, les villes différentes, non? Tu le connais? Alors, je n'ai pas encore annoncé les villes, mais alors, bien entendu, la première ville, ce sera Orléans. Ah ouais, faut qu'on vienne. La dernière ville, ce sera pour la fête de la cerise, puisque donc, je suis en partenariat avec la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Ouais. Et donc, la fête de la cerise qui a lieu en juin, donc ce sera celle de 2022, puisque le road trip va durer un an et demi. Ah ouais. Et au moins, on espère qu'on sera à peu près sûr de pouvoir faire un concert et de jouer. Merde, parce que, comme dirait Koff. Ça stop. Ouais. Et donc voilà. Sinon, on passerait un peu partout en prévu et sans vraiment grande surprise. Mais des grandes villes, Lyon, Bordeaux, Nancy, sympa, ça. Paris. Enfin voilà, il y a une trentaine de villes. Et j'en ferai les annonces au fur et à mesure en espérant. Tu nous appelleras de temps en temps. Hein, oui, on fera des lives. Aucun souci. Avec plaisir. En tout cas, moi j'adore ta voix. J'ai un cœur pour toi, Gaël, qui m'envoie un cœur. Voilà. C'est gentil. Super voix. Ouais, c'est vrai que t'as une super voix. On va écouter un troisième titre. Parce que moi je kiffe. Hein, moi j'en écouterai pendant des heures. Hein, même les auditeurs. Hein, je pense qu'ils sont. Il y a Cyril qui m'a dit aussi super, on adore. Voilà. Donc pour l'instant, les gens t'adorent. Enfin, c'est moi gentil. J'adore. Moi j'aime bien. Puis ça me change un petit peu. Ça fait bien le quotidien. Voilà. Au lieu de faire la météo, on est bien avec toi. Surtout qu'elle est pas terrible en ce moment, puis tu donnes du soleil. Un troisième titre, un dernier, ça sera Alex. Donc ça s'appelle Je te le dois, c'est le prochain titre. Titre dont d'ailleurs, j'ai un très bon guitariste qui s'appelle Cyril et à qui je passe le bonjour, qui est en région parisienne, mm-hmm. qui est en train de m'enregistrer la ligne de guitare. Mm-hmm. J'ai aussi un bon bassiste de la région d'Orléans. On le salue, hein, comment il s'appelle? Je donnerai pas son nom parce que je sais pas si on le salue le bassiste voilà, il va peut-être se reconnaître il a de très bons groupes sur Orléans etc. Mm-hmm. Donc j'espère que j'en parlerai plus tard. Et puis le dernier avec qui là vraiment je peux en parler parce qu'il s'agit de Pierre-Étienne Michelin qui est le c'est batteur le batteur de Michael Jones qui a aussi Chaim, Jennifer, Trust, pas mal de choses. Il est en tournée en ce moment avec Michael Jones qui seront le 25 octobre à Malzerne. C'est pas un mec qui a plus de cheveux. Non, c'est pas lui. Hein, j'en ai plus. Et donc lui m'enregistrera la ligne de batterie sur ce titre. D'accord. Donc on écoute le troisième titre. Il s'appelle Je te le dois. Et ben voilà, Je te le dois en direct. Alexandre Baye sur Radio Arc-en-Ciel. Vas-y mon ami. Pas de peine, pas de haine. Ce qui me ramène m'entraîne. Pas de ronge, pas de songe, désir allonge et plonge. Toi, toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous à nous et ce, je te le dois. Pas de faute, pas de côte, ce qui m'attire est pire. Pas de test, pas de reste, amour inceste, amour déteste. Toi, toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous à nous et ce. Je te le dois. Pas de vrai, pas de créer. Ce qui était ne peut s'effacer. Pas de mépris, pas de déni. Vie accomplie, journée sans bruit. Toi, toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire. de nous à nous et ce, je te le dois. Ben voilà, ah, c'est le cut qui m'a surpris. Bravo, eh, j'applaudis parce qu'en fait on est tous les deux dans les studios avec ton ami et puis ton enfant. C'est ça. Mais voilà, on applaudit parce qu'on est restreint, on peut pas accueillir du public, sinon j'aurais mis du public, hein, ça aurait été bien. On aurait pu hein, mettre 5-6 personnes en, oui. Avec toi, mais bon, on n'a pas le droit en mode Covid. Oui. on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. On peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ouais. Même TikTok. TikTok, ah c'est bon. Alors ça c'est une nouvelle mode. Mais non. Mais oui, c'est des jeunes qui m'ont montré ça. Alors, moi, ça prend pas trop, mais ça marche TikTok, non? Non, pas plus que ça, parce que c'est pas le genre de vidéo qui. Ouais, c'est pour les jeunes, ça TikTok. Ouais. Mais au moins comme ça, on me voit un petit peu partout sur YouTube aussi. Mmh. Et puis là où je suis le plus actif, c'est sur Facebook. Facebook, ouais. Donc, la c'est page ce qui marche est, le mieux. Alex, plus loin, L-6 B. Comme Alex Le Bail. Voilà, comme Le Bail. En tout cas, on a passé 20 minutes ensemble. Plutôt sympa. Plus de 20 minutes même. Hein. Ouais. Plutôt sympatoche. Alors, le prochain projet, là, il y a quelque chose qui est... Parce que tu me disais, tu es arrivé, tu dis, j'ai écrit. Ah, ça m'a pas plu, j'ai arrêté. C'est un peu ça que tu m'as dit tout à l'heure en antenne. Hein. Oui, aujourd'hui, c'était une journée off aujourd'hui. Ça allait pas? Non. J'ai bossé comme un acharné et puis ça me plaisait pas. C'est quoi, c'est la météo? Je sais pas. Oui, ça doit être ça. Il y a plus de soleil, du coup, le moral est moins là. Et, non, mais impossible de. J'étais pas content de moi, donc du coup. Et ben voilà, tout supprimé, puis on recommencera demain. Hein. Est-ce que tu crois que c'est facile d'être musicien, artiste musicien, d'en vivre? C'est un peu plus compliqué aujourd'hui, non? Alors après, je dirais que donc moi déjà, je fais une reconversion professionnelle. Ouais. Donc, tu faisais quoi avant sans discrétion? On peut pas le dire. Bah, je travaille pour tout ce qui est. Je suis aux impôts. les journées du citoyen, anciennement JAPD, donc c'est ce qui remplace le service militaire qui dure une journée. Ah ouais. Donc voilà. T'as fait ton armée, toi? Oui. Ouais. Donc ouais, voilà, aussi. Je m'occupe de ça. C'est bien. Bah, voilà, des jeunes qui vont faire leur journée là-bas. Ouais, ils sont sympas. Tu leur joues un peu de guitare des fois, non? Non, malheureusement, on n'a pas le droit. Alors, donc oui, c'est reconversion professionnelle. Donc, je dirais que je pars pas sans bagage. Et c'est aussi ce que je veux dire aux jeunes. On peut vivre de sa passion. Je pense qu'on peut vivre de la musique si on en a le courage, la motivation. Et si vraiment on est un bosseur, qu'on se donne les moyens de se déplacer en radio, de faire plein de choses. De faire plein de petites radios comme nous. Voilà, hein, de faire 20-30 petites radios. Et après, peut-être, j'espère pour toi... être en playlist sur les gros. Voilà, c'est ça. Ça serait bien aussi. Et puis d'essayer de faire le plus de concerts possible, de se montrer, etc. Donc je pense qu'on peut vraiment en vivre. Mais par contre, il faut pas non plus dire les gens m'aiment bien, donc je quitte absolument tout. Donc à tous les jeunes, continuez vos études et un bagage. Fais gaffe, parce que tu auras des problèmes avec les parents. Il y a un jeune, il m'écoutait, il va dire maman, demain je m'achète-moi une guitare. Moi, je vais me lancer. Donc c'est pour ça. En parallèle, vraiment continuez vos études, prenez un bagage, etc. Ouais. Et après, couvrir ses arrières. Mais voilà, couvrez-vous et comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Si tu devais faire un duo plus tard ou maintenant, ça serait avec qui? Si ça avait un artiste en tête, un musicos ou un. Je sais pas, un chanteur actuel. Oui, alors si je devais faire un duo, et d'ailleurs j'en profite pour remercier encore toute l'équipe de Nicolas, etc., d'avoir partagé ça, puisque je suis très fan de Indochine depuis. Ah ouais, années. Super album là. Il casse tout en ce moment Indochine. Et Nicolas Sirkis a partagé une de mes reprises sur leur chaîne YouTube. Donc du coup je les remercie. Et si vraiment j'avais un duo à faire, ce serait avec eux. T'imagines toi le duo là, ils arrivent là, ils déboulent à la radio. Incroyable. Indochine. On pète un câble. Ah bah là, comme un enfant là. Ouais. Ça, bon, on serait fiers quand même. Hein. Un dernier mot peut-être, Alexandre? Bah, en tout cas, déjà, premièrement, merci. Bah, merci non, tu beaucoup, nous, on est là pour ça. Reçu, on est là pour ça, la radio, elle bouge pas la radio. Donc, nous, on se la pète pas. Tu me disais en antenne, ça fait des années que la radio elle existe. Ouais, 34 ans. Exactement. Bah, moi, ça fait pas 34 ans que je suis là. J'étais sur Vibra avant, une autre radio orléanaise. Et je suis atterri là, ça fait 4 ans que je suis là. Ouais, je me marre bien en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est libre antenne. Tu vois, il y a pas beaucoup de radios à Orléans où tu peux prendre l'antenne pendant une demi-heure. Hein, c'est rare. Hein. Maintenant, tout est timé. Hein, exactement. Ouais. Et moi, ça me fait plaisir de t'entendre pendant une demi-heure. Hein. Ouais, c'est très gentil. Donc voilà, donc un grand, grand merci de m'avoir reçu. Tu viens quand tu veux. Voilà, de me suivre, de m'encourager, etc. Ouais. Et puis, je le répète, et là, je ne parle pas pour moi, moi aussi, mais pas pour moi. Suivez les artistes, suivez tout, en fait, tout ce qui touche à la culture, à la musique. Et n'hésitez pas à aller télécharger les musiques qu'ils ouais. proposent, les légalement. Choses qu'ils proposent. C'est bien oui, aussi. Bien sûr, légalement. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Mais voilà, défaut de pouvoir ouvrir ou faire des concerts, etc., bah, apportez votre soutien. Ils en ont besoin. Du mieux que vous pouvez, quoi. Ils c'est vrai. Besoin. Tout le monde en a besoin. Ouais. Merci. Alexandre Lebaille, bah, merci d'être venu sur Radio Arc-en-Ciel, nous avoir accordé cette petite demi-heure ensemble. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis, bah, on va te suivre. Hein. Et puis, tu reviens quand tu veux. Hein. Dès que tu as d'autres news, on est là pour ça. Hein. Tu m'envoies un petit message et puis on t'accueillera. Comme on se doit. Hein. Radio, on est là, libre média, hein, ouvert à tout le monde. Voilà. C'est très gentil en tout merci, cas. Merci, on va faire des petites photos, tout ça, hein, si tu veux. Pas de souci. Merci à toi. Eh ben, merci beaucoup, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Merci. En direct à Radio Arc-en-Ciel, avec des souvenirs qui arrivent, les Fatlaris Band en 84. Yeah! Act just like you know. Ooh, whoa, you just ought to know. Ooh, yeah. When you're feeling down and low, and you need a place to go. Just step right up, hurry, hurry, hurry to the fire. begin the show. Act like you know. And you won't. So we set the stage for you to see that this and this you really wanna be. Yeah. The latest hit, you can count on it. You'll be the star. Always bound. Just remember this. To feel so fine, just step right up. Correct, correct, correct. Keep the fire tonight. Like you know, this is your way to shine. Like you know, there's only stars in the firelight. You ought to know. Yeah. You ought to know. Well, well, well. Act just like you know. Yeah. Job avec Frankie l'après-midi. All the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me. You wanna, but you can't. Nah, nah, nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how. C'est long direct, 18h03 avec Ava Max, Kings of the Cranes. Sympa Alexandre, hein. Vous allez retrouver le podcast de Florent Amigo dans quelques minutes en direct. Bah ouais, le podcast, merci à un petit Florent qui nous fait tous les podcasts de la radio, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis là forcément je vais faire plaisir à quelques anciens, voici Ayam, je danse le mien, un petit clin d'œil à Marseille.

pretende então fazer? Assim ó, bará bará bará, bere bere bere, bará bará bará, bere bere bere bere, bará bará bará, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bará bere. Cantando comigo mais ou menos assim: bará, bará, bará, bará, bará, bará. Só vocês, vai! Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. On a une vache, non, un mouton, bere. Heureux d'être avec vous. Vous allez pouvoir retrouver tout à l'heure le live d'Alexandre Le Bail, hein, grâce à Florent qui nous fait tous les podcasts et montages. Merci mon Flo. Dans quelques minutes, sur l'arc-en-ciel, vous allez pouvoir réécouter cette voix, mais elle a vraiment une voix de ouf. Un peu de Kizomba qui arrive avec une reprise. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et j'avais envie de vous donner El Rios Dulsol, un peu de soleil avec cette belle reprise Kizomba de Craig David, 7 Days sur Radio Arc-en-Ciel.

étincelles, ça fait du bien. Un peu de nouveauté chaleur avec Cheska, Pitbull, Frankie Valli, Tequelo, Tequelo, mi amor, mi trésor, baby. Heureux d'être avec vous. La météo pour demain, puis je vous parle de cet événement devant la préfecture en direct. La météo. La météo pour demain, malheureusement, le ciel est couvert, nuageux, des risques de pluie dans la matinée, dans l'après-midi, ça va être alterné entre nuages, nuages et quelques petits rayons de soleil, mais très timides. 12 degrés au lever du jour, on ne dépassera pas les 18, 19 degrés. Et on vous rappelle ce rassemblement pour aider la nuit demain devant la préfecture d'Orléans, centre-ville vers la rue de Bourgogne. À 11h, le monde de la nuit se mobilise, les discothèques, pour crier leur mécontentement, toujours fermé depuis le 14 mars. Donc rendez-vous demain matin si vous êtes dans les parages et bien venez soutenir la nuit à 11h et c'est devant la préfecture d'Orléans. Voilà, une bonne nouvelle, enfin on va gueuler, on va crier et puis du son qui arrive. Intenté mil veces olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que hoy más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene. Para mí eso veo. Antes romance me convertí en aveo. Al tal cupido ese le bajé el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llames, dime, no me paute. Cuando me vea, vete pa' otra parte. Ahora te toca resignarte. Y escúchala a los grandes con Carlos Paute. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Te esperé pero llegaste tarde. Yo te enterré para jamás buscarte. Y aunque me quieras pedir perdón, no voy a volver. Sé que es difícil poder olvidarte. Haré de todo para no pensarte. Y aunque quisieras verme llorar, no se va a poder. Ponte en mi lugar. Appelle le 02 38 43 48 00.

patacata, ja ja ja. En katana, baby, tu dead. Oh yeah yeah. Ja, ja. Tú solita te matas. Ja, ja, ja. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. On va dire qu'on sait en direct. Ah, tcha tcha. Ah ouais. 18h34 minutes en direct sur Radio Couleur. After Job avec Francky l'après-midi. Et puis n'oubliez pas hein, le podcast de Alexandre, vous allez pouvoir le réécouter dans quelques minutes en direct grâce à Florent Amigo. Son live qui était énorme tout à l'heure, franchement quelle voix dans moins d'une heure. Vous aurez sur ma page Facebook le live de Alexandre Le Bail. Et franchement il a assuré. Du son qui arrive pour Gaël qui nous écoute, qui est dans la voiture, qui rentre du boulot, fatigué, renté, mais bon, une petite surprise qui l'attend. Ah ouais, une belle surprise avec du bon. Son souvenir. C'est là, voilà, pas mettre simple, mais j'y trouverai, puis c'est mon histoire, puis c'est voilà, c'est voilà, c'est la chanson que tout le monde peut chanter un soir, et ce soir, cette mélodie me rappelle un amour qui vivait autrefois, puis c'est la même. Cette musique, oh, oui, oui, c'est la même chanson. Et la plus grande, c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même chanson. Et la plus grande, c'est que toi tu l'entends pas. Non, non, tu l'entends plus, mais c'est la même chanson. Et la plus grande, c'est que toi tu n'es plus là. Toujours la même chanson. Et la plus grande, c'est c'est la même, même chanson. Chanson, et tous les soirs à 18h35 on aura le mardi un live d'un chanteur français ou étranger pour vous rappeler quelques bons souvenirs pour Gaël qui nous écoute du côté de Louril. Salut la famille, 18h37 minutes. After Job avec Francky l'après-midi. Ah, il y a Madeleine qui me dit il y a longtemps qu'on n'a pas écouté un Claude François à la radio. Ouais, ben ça fait plaisir de se rappeler des bons souvenirs comme ça. Je vais vous retrouver lundi prochain 16h30 18h30 et le mardi 17h30 18h. Je vais vous laisser avec RDP International. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous rappelle demain le rassemblement hein, devant la préfecture à 11h. Le rassemblement pour le milieu de la nuit. Venez nous soutenir. On sera là-haut à la préfecture demain matin à 11h. RDP International et puis rendez-vous lundi prochain, c'est rentre Portugal RDP International. Em Montinho de Basto com 4 horas 25 minutos e 47 segundos. Em segundo lugar